Chapitre 4e, Kazan, les Tatars. Nous arrivâmes à Kazan, la veille de Pâques, épuisés de faim et de fatigue. Nous résolûmes, avec mes deux compatriotes, d'employer toute notre énergie à faire valoir nos droits, et en conséquence, nous signifiâmes à nos gardiens que nous voulions séjourner dans la ville le temps nécessaire pour réparer nos forces. Le sous-officier qui conduisait l'escorte écouta nos réclamations d'un air grave, solennel, et nous invita à ne pas descendre de notre traîneau. Cela dit, il recommanda à ses soldats la plus active surveillance, puis il partit pour se concerter avec les autorités du lieu. Les heures s'écoulaient, la nuit commençait à venir et le sous-officier ne reparaissait pas. Nos membres étaient paralysés par le froid, nous éprouvions ce besoin de sommeil qui est, dans cet affreux climat, le précurseur de la mort. Nous n'avions plus la force de nous plaindre, mais le postillon, qui entendit nos sourds gémissements, nous prit en pitié. Il fit entrer nos traîneaux sous la remise de l'auberge et nous dit de descendre pour nous réchauffer et manger. L'escorte, qui n'avait d'autre loi que l'obéissance passive, n'était pas de l'avis du postillon. Cependant, après un moment d'hésitation, on nous permit d'entrer dans l'auberge. Il était 10 heures du soir quand on mit fin à notre supplice. Nous entrâmes alors dans une pièce bien chauffée et peu à peu nous nous sentîmes renaître à la vie. Le froid nous avait fait éprouver de si cruelles angoisses que nous avions oublié la faim. Cependant, nous fîmes honneur au très médiocre souper qu'on nous servit. Dans les grandes détresses, on est content de peu. Dans les grands bonheurs, on est content de rien. On comprend qu'un lit, qui nous était si nécessaire, était en cette rencontre un luxe invraisemblable. Aussi n'osions-nous ni l'espérer, ni le demander, et bien nous en prit, car on n'eut à nous offrir que des tapis étendus par terre et des oreillers. C'était déjà beaucoup, et bientôt nous dormîmes du plus profond sommeil. Hélas! Ce repos si souhaité et si salutaire ne fut pas de longue durée. À 1 heure du matin, on frappa à notre porte à coups redoublés. C'était l'impitoyable sous-officier qui venait nous annoncer que toutes les formalités étaient remplies et qu'il fallait nous lever, sans perdre de temps, pour aller prendre possession de notre nouvelle demeure, choisie par les soins de l'autorité. Un colloque s'établit entre nous et notre persécuteur. Nous demandions en grâce qu'on nous laissât passer le reste de la nuit sur nos tapis. Lui, du ton le plus absolu, nous enjoignit de dégarpir au plus vite. Il fallut bien céder, et nous partîmes. Un officier qui nous attendait dans l'antichambre nous salua avec politesse, puis il nous précéda pour faire avancer les voitures qui devaient nous emmener. Les soins de l'ingénieuse autorité avaient décoré du nom d'appartement une espèce de cloaque noire et infecte. Une odeur nauséabonde nous suffoqua en entrant. Les murs ruisselaient d'humidité et étaient littéralement couverts d'une affreuse vermine qu'on appelait en russe tarakan et en lituanie proussaki. Ainsi on variait nos supplices et nous avions en perspective d'être dévorés par ces bêtes immondes ou de lutter contre elles. Nous prîmes le parti d'implorer la pitié de l'officier et nous le suppliâmes à main jointe de nous faire donner un autre logement. Notre demande l'embarrassa visiblement. Il parut réfléchir à l'énormité de nos prétentions, puis il nous dit « J'ai pourtant fait de mon mieux. » J'ai vu bien des chambres avant de m'arrêter à celle-ci. J'en ai peut-être trouvé de plus propres, de plus commodes, mais il n'y en a pas de plus chaudes. Nous nous écriâmes. Mettez-nous dans une glacière, nous le préférons. L'officier sortit, puis il rentra pour nous dire qu'on nous attendait en un gîte meilleur et qui présentait toutes les conditions de salubrité. On battelait, et vous pourrez partir sur le champ, ajouta-t-il. Nous demandâmes comme une faveur qu'on voulût bien nous permettre d'aller à pied, car nous ne pouvions plus endurer l'atmosphère qui nous entourait. L'officier nous accompagna, sa mission étant de ne pas nous perdre de vue une seule minute. Mais nous marchions d'un pas si précipité qu'il avait beaucoup de peine à nous suivre. La chambre qu'on nous avait destinée nous parut suffisamment propre et salubre. Aussitôt seuls, nous nous empressâmes de faire nos lits. Cette fois, nous avions de véritables lits, avec une sorte de chose qu'on appelait un matelas et des couvertures. Les pourparlers, les formalités et les déménagements s'était prolongé si avant dans la nuit que le jour commençait à poindre qu'on ne pût goûter quelque repos. Mais le repos pour nous était une vaine espérance, une illusion, et un nouvel incident devait bientôt nous arracher brutalement à notre premier sommeil. Tout à coup, on frappe à notre porte et une voix nous crie « Mesdames, réveillez-vous bien vite, monsieur le préfet demande à vous voir. » Nous nous levâmes en toute hâte, nous nous habillâmes tant bien que mal, et nous ouvrîmes la porte à l'autorité. Monsieur le préfet se présenta de l'air le plus affable, le plus courtois et le sourire sur les lèvres. « Mesdames, dit-il d'une voix douce, j'ai voulu savoir par moi-même si vous étiez remises de vos fatigues et si votre appartement vous convenait mieux que l'autre. » Sur notre réponse affirmative, il ajouta Je suis charmé que tout ait réussi selon mes souhaits, et en effet, vous êtes dans un si excellent état de santé que je ne verrai aucun inconvénient à ce que vous partissiez aujourd'hui même. » Ces paroles nous causèrent une stupeur indicible. Partir quand nous pouvions à peine nous soutenir, partir quand le sommeil eût été pour nous la plus impérieuse des nécessités. Je tâchais pourtant de modérer mon indignation en présence de cette cruauté mielleuse, et je dis à ce préfet : Je pense, monsieur le préfet, que vous ignorez les instructions réglementaires qui ont pour but de nous protéger. Permettez-moi donc de vous les faire connaître. Le règlement porte qu'on doit nous accorder le temps nécessaire pour réparer nos forces. Il nous accorde aussi de séjourner à notre convenance dans chaque chef-lieu des gouvernies. En nous arrêtant ici, nous n'avons pas commis un abus, mais nous avons simplement usé de notre droit rigoureux, officiel. « Oui, » répondit le préfet avec le même sourire, « le règlement est à peu près conforme à ce que vous me faites l'honneur de me dire. Mais votre santé ne laissant rien à désirer, il m'a semblé que le voyage vous serait très salutaire, comme hygiène d'abord et comme distraction ensuite. » Un sentiment naturel de fierté ne me permit pas de supplier plus longtemps ce fonctionnaire si poli, et je me renfermai dans un silence absolu qui parut l'inquiéter. Il eût sans doute préféré la violence, au moins il aurait eu la ressource de réprimer, mais ne pas parler et ne pas se plaindre lui donnait la crainte que je ne m'adressasse à l'autorité supérieure. Le préfet, en me faisant un salut gracieux, se rapprocha de moi et me dit « Après tout, mesdames, je prends sous ma propre responsabilité de vous autoriser à demeurer encore ici pendant quelques heures. Êtes-vous satisfaite de mon bon vouloir, de mon désir de vous être agréable ?» Nous voulions bien user d'un droit légal, mais nous repoussions une grâce, un service, une charité tombée de si bas, et dès que ce fonctionnaire se fut retiré, d'un accord unanime nous résolûmes de partir immédiatement et nous en informâmes le chef de l'escorte. Mais, chose étrange, personne n'était disposé à nous obéir, chacun voulant prendre sa part des plaisirs, des fêtes petites ou grandes, qui ont lieu en ce pays à l'époque de la Pâque. Les hommes de l'escorte, le postillon, les employés de la police et de la chancellerie, tous buvaient ou mangeaient, et ne voulaient pas perdre un tel moment de réjouissance publique. Nous étions donc assis sur nos malles, attendant le loisir de ces messieurs. Tout à coup, on ouvre notre porte, et nous voyons entrer une femme de l'extérieur le plus distinguée et de l'abord le plus gracieux. « Mesdames, nous dit-elle, en venant auprès de vous, j'acquitte une dette de reconnaissance. Je suis la veuve d'un colonel russe. J'ai suivi mon mari dans toutes ses résidences et nous sommes restés quelque temps dans les environs de Varsovie. La Pologne est un de mes plus chers souvenirs. Je n'oublierai jamais l'accueil que j'y ai reçu et l'hospitalité cordiale que j'y ai trouvé. Il y a certaines contrées dont l'aspect est si grandiose et si magnifique qu'elle laisse à tout jamais une empreinte dans la mémoire. Mais la Pologne reste dans le cœur, et quand on s'en est éloigné, on y pense comme un ami absent. J'ai su que vous étiez ici, on m'a parlé de vos malheurs. Je vous aimais avant de vous connaître, et j'ai voulu vous serrer la main et vous offrir l'œuf béni de la Sainte Pâque. » En prononçant ces paroles touchantes, elle nous offrit un de ces œufs coloriés qui sont le mets traditionnel de nos bénis. Nous étions émus jusqu'aux larmes. Nous devions à cette femme excellente notre premier moment, peut-être le seul, de consolation et de sympathique compassion. Mais elle nous quitta bientôt. Peut-être craignait-elle nos surveillants. Que Dieu rende à notre chère visiteuse ce qu'elle a fait pour nous. La Pâque, la Pologne, la vie heureuse revivaient pour nous avec ses enchantements. Un rayon de soleil était entré dans notre prison. Nous avions vu, senti le passé avec toutes ses douceurs, toutes ses joies confiantes. Le jour de Pâques fait vibrer tous les cœurs polonais d'une félicité ineffable. Tout le monde est bon parce que tout le monde est heureux. Les familles, les amis sont plus unis et plus rapprochés. L'amour, la bienfaisance sont la chaîne suprême qui enlace tout un peuple. Le riche donne aux plus pauvres, l'or se répand, la bonté se multiplie, les seigneurs ouvrent à deux battants la porte de leur palais, et les humbles s'y précipitent. La fraternité commandée par le Sauveur est la loi de tous. Elle est dans tous les cœurs et elle les sanctifie. En Pologne, on prie et on aime dans ce saint jour de Pâques, et nous, pauvres exilés, nous allons aborder la terre des martyrs. On nous annonça que la maîtresse de la maison voulait nous parler. Elle vint en effet pour nous inviter à dîner. Cette étrange proposition nous était faite dans le langage le plus vulgaire. Nous ne savions trop que répondre, et voyant notre hésitation, elle nous dit « Tenez, mesdames, je vais vous dire la vérité. Il y a aujourd'hui beaucoup de monde à ma table, et je sais qu'on serait très curieux de voir des Polonaises. C'est le motif qui m'a fait vous inviter. Cependant, si cela vous déplaît, Restez chez vous, et je vous ferai servir tout ce qu'il vous conviendra de manger. » À l'idée de cette exhibition, nous nous mîmes à rire comme des folles. N'était-ce pas bouffon, grotesque, au dernier point, de nous faire parader devant des tatars? Mais ne voulant pas nous fâcher, nous prîmes le parti de nous rendre à l'invitation qui nous était faite. Quelle que soit sa disposition d'esprit, une femme pense toujours un peu à sa toilette, et nous voilà retirant de nos malles nos robes, nos fichus, nos mantelets, nos rubans, et secouant et relevant ces pauvres choses chiffonnées. Ces apprêts terminés, nous nous trouvâmes suffisamment belles pour paraître devant une assemblée de tatars. Nous entrons dans la salle du festin, on nous donne la place d'honneur, c'est-à-dire on nous offre des sièges près du poêle, on nous complimente, on s'empresse autour de nous. Mais pour le dîner, il n'en était pas question, et c'est en vain que nous cherchions des yeux une apparence de préparatif. Enfin, à force de regarder, nous finîmes par découvrir dans l'embrasure d'une fenêtre une toute petite table et sur cette table trois assiettes. Sur l'une était une pomme gelée, ratatinée, coupée en tranches saupoudrées de sucre. Sur l'autre, un peu de raisin sec et sur la troisième, quelques graines noires dont je n'ai jamais pu deviner l'origine. L'hôtesse, de l'air le plus aimable, nous engagea à manger. À manger quoi? Ce repas d'anachorète, c'était vraiment une mauvaise plaisanterie. Nous refusâmes en demandant qu'on voulût bien nous donner un repas modeste, mais plus confortable. Notre demande parut extravagante, et on nous fit observer qu'au temps de Pâques, on avait la coutume en Russie de s'abstenir de pâtisseries, de viande froide, en un mot, de tous les mets trop friands, trop savoureux ou trop substantiels. Après cette leçon assez vertement donnée, je dis à l'hôtesse que nous nous conformerions à l'usage établi, mais au moins qu'elle nous fit servir une soupe aux betteraves et un morceau de bœuf bouilli. Comme on nous trouvait indigne de participer aux fêtes russes, on nous laissa sans difficulté monter à notre appartement et ce fut là qu'on nous apporta notre très modeste dîner. Nous attendions, d'un moment à l'autre, l'ordre du départ. En conséquence, nous passâmes toute la nuit en causant ou en dormant à moitié. Nous ne nous étions pas déshabillés. Vers le lever du jour, on vint nous prévenir que notre traîneau était attelé. Le ciel était splendide et la ville se détachait sous un horizon lumineux et d'un rose pâle. Je ne me lassais pas d'admirer cette radieuse matinée. Mon Dieu, que la nature est prodigue de magnificence, et comme elle sait, par ses merveilleux enchantements, vous arrache à vous-même pour vous absorber en elle. J'examinais la ville, dont l'aspect était si riant à ce moment. Les rues sont bien alignées et propres. Les maisons sont spacieuses, bâties en pierre. Tout ici rappelle l'Europe et il n'a plus rien de commun avec la domination tatare. Ces stigmates sauvages ont disparu. La ville possède une université, un observatoire, un gymnase, des écoles primaires, des fabriques, enfin tout ce qui porte le cachet d'une civilisation avancée. Les traces du progrès sont si visibles, si saisissantes, qu'on se demande en voyant de tels prodiges si on est bien sur cette terre habitée par des hordes tatars et qui ne vivaient guère que de brigandage et de pillage. Toutes les peuplades de la gouvernie de Kazan, sur les deux rives du Volga, ont une grande variété d'origines, et les Tchérémis, les Mordviens, les Stchouvaches, les Vosalgues, les Vigoulitch et les Tatars parlent un idiome différent. Leurs mœurs, leurs costumes, leur religion et leurs coutumes n'ont aucun rapport, aucune ressemblance. La population tatare, qui m'a semblé être la plus nombreuse, a conservé plus que les autres le caractère asiatique. Les villages, qui sont construits en bois, sont hérissés de minarets, et le turban aux chatoyantes couleurs domine au milieu de la variété des costumes. Les femmes, comme en Orient, portent de longs voiles blancs qui flottent au moindre souffle. Sous ce voile, d'un aspect pittoresque et gracieux à la fois, elles ont pour unique vêtement une longue robe blanche brodée sur le devant en laine de couleur. Les Tatars, quand ils n'appartiennent pas au clergé, ont un costume qui ressemble à celui des Juifs polonais des anciens temps. Il se compose d'un caftan à manches courtes, ou plutôt d'un juste corps très serré, et d'un bonnet pointu à large bord doublé de fourrure. Dans d'autres contrées, les Tatars sont vêtus d'une espèce de houppelande qui leur descend jusqu'au talon, puis sur la tête, ils ont une petite calotte qui les ferait prendre pour nos Juifs polonais modernes. À chaque relais, la foule se pressait autour de notre traîneau. On nous regardait, et les femmes surtout nous obsédaient de questions. Après cet examen curieux, elles passaient en revue nos bagages, puis elles revenaient à nous en nous disant « À quoi sert ceci? À quoi sert cela ?» Elles voulaient tout savoir, et elles cherchaient vainement, je crois, à tout comprendre. Nous mettions de l'obligeance dans nos réponses, et même nous allions au-devant de leur curiosité. Dans d'autres contrées que nous eûmes à traverser, je trouvais le costume des femmes plus étrange encore que celui que j'ai déjà décrit. Ainsi j'ai vu des tatars vêtus depuis le front jusqu'au pied d'un long morceau d'étoffe, orné de pièces d'or, d'argent, et à chaque mouvement du corps, tout cela fait un petit bruit métallique. Ailleurs, les femmes portent sur la tête un diadème coupé dans la partie supérieure en forme de croissant et qui présente deux pointes aiguës comme les cornes d'un cerf. Le diadème est enrichi, comme le morceau d'étoffe, d'ornements brillants. La poitrine est aussi somptueusement enrichie de clinquants. Une femme doit porter sur le front la valeur de sa dot, ce qui simplifie singulièrement le mariage. Il faudrait un volume pour énumérer la diversité des costumes kazaniens, et comme on me refusait de l'encre et des plumes pendant mon triste voyage, je n'ai pu recueillir toutes mes observations au fur et à mesure qu'elles se présentaient. J'écris donc de souvenirs, mais ma mémoire est fidèle et je réponds de l'exactitude de tout ce que je rapporte. Un relais entre Kazan et Perm, le chef d'un village tatar vint au-devant de nous. Sa politesse, ses offres de service étaient un prétexte, et le but de sa démarche était la curiosité. Il y avait une certaine noblesse dans les traits et dans l'expression de ce vieillard. Son costume se composait d'un vaste manteau qu'il drapait autour de son corps. Sur la tête, il portait un turban fort artistement plissé. Auprès de lui se tenait une femme qu'il me présenta comme étant la sienne. Cette femme avait le visage découvert, mais la tête, les bras, la taille et même les mains étaient recouverts d'un voile immense aux plis capricieux. Pourquoi laissait-elle voir ce visage qui imitait à s'y méprendre la plus détestable peinture? Les joues étaient couvertes de blanc et de rouge, les sourcils étaient peints en noir d'ébène, et on n'avait pas ménagé la couleur, je vous assure. Ce masque, cet être grotesque, produisait le plus singulier effet avec son élégant costume oriental. Je tâchais de garder mon sérieux et je liais conversation avec ces indigènes. Je voulais connaître les particularités de ce pays étrange et je me mis à questionner le chef du village. « Combien de femmes avez-vous ? » lui dis-je. « Pas beaucoup, » me répondit-il. « Je n'en ai que quatre, pas plus. » « Pourquoi ne sont-elles pas toutes avec vous ?»« Je cache à tous les yeux celles qui sont laides et vieilles. »« Celle-ci, » ajouta-t-il en jetant un regard satisfait sur son affreuse moitié, « est jeune. Elle a 32 ans, c'est encore présentable. » Ce dernier mot fut prononcé avec l'accent du bonheur modeste. « Combien avez-vous d'enfants ?»« Hélas, à mon grand regret, je n'ai que 4 fils. »« Mais j'ai 9 filles. » En parlant des 9 filles, sa voix était devenue lamentable et il poussait des soupirs. « Mais ne vous plaignez pas, c'est une fortune. » « Et vous trouverez sans doute des maris très riches, si vos filles sont belles, comme j'ai lieu de le supposer. »« Oui, mais en attendant les maris, il faut manger, et peut-être ne serai-je jamais indemnisé de mes dépenses. »